Radiomatic. C'est avec l'artiste anglaise d'origine sri-lankaise Matangi Arul Pragasam que s'ouvrait cette transmission 303 d'Audiomatic. Matangi Arul Pragasam se fait davantage connaître sous son pseudonyme M.I.A. et sa chanson Bird Flu, qui introduisait l'émission, est tirée de son deuxième album studio Kala, paru en 2007. C'est sur la musique de la formation Dengue Dengue Dengue que se poursuit instantanément la transmission d'Audiomatic. much more than you. Thank you. Nous venons d'entendre la formation Sonido de la Frontera et sa pièce La Cumbia del Panadero tirée de son unique album Cumbia Mundial sorti en 2014. Avant cela, c'était le projet Bostiche de l'artiste Ramon Amezcua, membre du Nortec Collective, qui nous présentait sa pièce Into Your Heaven tirée du plus récent album Motel Baja sorti en 2014. Et en début de séquence, c'était la formation Dengue Dengue Dengue qui nous offrait le Dazed Dog Remix de sa pièce Semiolo, apparaissant à l'origine sur le premier album La Alianza Profana. La version remixée, quant à elle, se retrouve sur l'album Humos Volume 1, qui regroupe des pièces rares, inédites et remixées de Dengue Dengue Dengue. Audiomatics poursuit maintenant sur la musique de la formation Einsch zur Zende Neubauten. We'll be right back.

Audiomatique, nous entendions The Ravenettes avec la pièce Kill, tirée de l'album PAI, paru en 2014. Avant cela, nous écoutions Sonic Youth et la pièce The Ineffable Me, apparaissant sur l'album A Thousand Leaves. Et en début de séquence, c'était la formation Einst zur Zande Neubauten et une version alternative de la pièce Three Thoughts, intitulée Devil Sect, laquelle se retrouve sur l'anthologie Strategies Against Architectures 3, qui regroupe des pièces rares en concert ainsi que des remixes réalisés entre 1991 et 2001. Audiomatique avec les sonoristes se poursuit maintenant avec le groupe allemand Project Pitchfork. Always not to sing the bad things. Always not sort. Gonna break. Well, it's all gonna break. When I was a kid, it fucked me in the ass, but it took my pain to the paper and I passed you. No, I love the shit, 'cause the shit it tastes so good. Gonna break. It's all gonna break. Le collectif canadien Broken Social Scene nous offrait à Audiomatic la chanson It's All Gonna Break, extraite de son troisième album qui est homonyme et qui a été lancé en 2005. Précédemment à Broken Social Scene, nous vous avons présenté le groupe allemand Project Pitchfork, de qui nous entendions la chanson Omega Alpha, qui se retrouve sur l'album Alpha Omega, sorti en 1995. Pour compléter la programmation de cette transmission 303 d'Audiomatic, les sonoristes vous offrent à entendre le groupe californien Black Rebel Motorcycle Club et la chanson Am I Only de son quatrième album Baby 81, paru en 2007. Les premiers sons de la transmission 304 d'Audiomatic se feront entendre mercredi prochain dès 17h sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM pour les personnes se trouvant dans le périmètre de diffusion analogique ou encore sur le lecteur web disponible sur le site internet de la station au cfou.ca. Mais si le moment de la diffusion ne convient pas à votre horaire, il sera toujours possible d'écouter en différé par le biais de nos profils mixcloud.com/audiomatic et facebook.com/audiomatic-cfou. Voici Black Rebel Motorcycle Club et la pièce Am I Only. C'était Audiomatic avec les sonoristes. Talk through